Bonjour et bienvenue dans Coup de tête, le podcast qui sublime les voix des patients touchés par un cancer de la tête et du cou. Je m'appelle Émilie et j'ai été touchée par un cancer des cordes vocales à l'âge de 22 ans. Avec l'association de patients Corasso, nous souhaitons porter plus haut la parole des patients pour faire connaître et reconnaître ces différentes voix, ces différentes élocutions, ces différentes histoires inspirantes et pleines de résilience. Coup de tête, c'est le podcast qui sublime la voix des patients touchés par un cancer tête et cou. À écouter sans modération. Aujourd'hui, nous poursuivons notre route en terre occitane pour partir à la rencontre de Nathalie, une jeune femme de 43 ans et maman de deux enfants. Bonjour Nathalie, merci de nous recevoir aujourd'hui. Bonjour Émilie, merci à toi d'être venue à moi et de me donner la parole. Bah avec grand plaisir, ça me fait très plaisir d'ailleurs de te rencontrer aujourd'hui. Avec plaisir partagé. Après tout ce temps discuté par message interposé. Ouais, se voir en Zoom, c'est super. C'est clair. Alors en 2017, alors que tu travaillais dans les transports et passais ta vie au téléphone, les médecins t'ont diagnostiqué un cancer à la base de la langue. Malheureusement, comme 70% des cancers de la tête et du cou, cette tumeur a été dépistée tardivement. Les médecins estimaient même qu'elle était présente depuis 7 à 10 ans. Très souvent, dans ce type de situation, pour les cancers tête et cou, diagnostic tardif est synonyme de traitement intense et lourdes séquelles. Et effectivement, après discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire avec tous les médecins, il a été décidé que l'on t'opère d'une glossectomie totale. En d'autres termes, il fallait retirer la totalité de la langue. Une décision très difficile à accepter, puisque l'on t'a annoncé dans la foulée que tu ne remangerais plus jamais. Mais c'était mal te connaître, tu t'es battu comme une chef et aujourd'hui tu remanges parfaitement et de tout. Même si ce cancer t'aura laissé de lourds traumas psychologiques, tu en as fait une force pour aider et accompagner à ton tour. Aujourd'hui, tu es ce qu'on appelle une patiente partenaire. Alors, je n'en dis pas plus et je te laisserai la parole pour que tu nous expliques ce que c'est, car tu le feras bien mieux que moi. Et en 2022, tu as passé une formation pour animer des ateliers d'ETP. Et là encore, tu seras bien meilleure que moi pour en parler. Mais une chose est sûre et que je peux vous dire dès maintenant, c'est que Nathalie a le cœur sur la main. Et je suis sincèrement très impressionnée et admirative de ton investissement auprès de ceux qui traversent des tempêtes comme tu as pu connaître. Merci à toi de nous présenter aujourd'hui ton parcours et les différents projets auxquels tu participes pour redonner envie aux patients de se battre et affronter les épreuves du cancer. Alors, comme souvent, la première question que je pose, c'est comment tout a commencé pour toi? Quels étaient les premiers symptômes que tu as ressentis? Déjà, merci pour cette présentation. Alors moi, en 2016, je vais voir mon médecin généraliste pour faire un certificat pour le sport. Il me dit que ma voix est plus grave qu'avant et que ce serait bien que je vois un ORL. C'est une information que mon papa m'avait déjà donnée. Mon papa me disait « Ah, ta voix, quand même, elle est plus grave, il faudrait voir un médecin. » Mais bon, sincèrement, moi, je disais à 1000 à l'heure, je me sentais très bien, pas du tout malade, ça me passait un peu au-dessus. Et puis bon, là, il me fait une lettre pour rencontrer un ORL, donc je disais. Et la première fois que je vois, il me fait une fibrome nasale, il me dit « on va faire peut-être un scanner pour vérifier, mais pour moi, il n'y a pas de souci. » À ce moment-là, moi, je suis en train d'acheter une maison. Il me dit « Non, mais de toute façon, si vous avez peur que ce soit un cancer, je vous rassure, c'est pas possible. » Bah, donc je vais faire un scanner. Après l'examen, le radiologue, je me vois, et il me demande si je mange et si je respire normalement. Je lui dis, j'ai pas de souci. Mais je me demande bien si j'ai un problème, apparemment. Sinon, on ne peut pas rester. L'après-midi, je revois mon ORL. Et il me dit, effectivement, il y a une masse. Je peux pas dire ce que c'est parce que j'ai pas fait d'examen contre mon père. Mais ben, c'est signé pour vous, votre vie s'arrête maintenant, celle que vous la connaissez, vous rentrez pour un parcours de soins, c'est là pour nous, c'est difficile. Tout va changer, maintenant il faut penser à vous, vous reposer. Mais en fait, en une seconde, tout s'arrête. T'avais une biopsie de prévue pour confirmer. Ouais, j'ai prévu de faire une biopsie la semaine suivante. Ok. Je vois dans un travail d'un anesthésiste. Elle dit, c'est le premier, pendant un rendez-vous, elle me dit, ah ouais, mais on ne peut pas vous endormir, il n'y a pas de place pour vous intuber, la tumeur est trop grosse. Et là, je dis, mais donc c'est un cancer. Elle me dit, bah, vous allez bien, ça ne peut pas prouver être autre chose. Ben, je sais pas, on m'a pas dit de mots, on m'a pas dit c'était ça, on m'a parlé d'une masse. Il se rétracte un peu, je n'étais pas sereine, mais j'y vais. La biopsie se passe bien. Donc, je reçois les résultats de la biopsie, c'est un cancer. Donc, il me dit, bah, moi, mes compétences s'arrêtent ici. Vous êtes un rare que je n'ai jamais eu à entendre derrière. Je passe aujourd'hui à un médecin ORL spécialisé dans le cancer. À notre panne de Toulouse, j'ai été soignée. La première fois qu'on se rencontre, il m'expose le pourquoi du comment, le fait que c'est rare, ce qui m'arrive, ce qu'on ne peut pas vraiment l'expliquer, c'est à devoir refaire une biopsie pour confirmer que c'est bien un cancer. Bon, après, en parallèle, je gère mes enfants. Ma fille, c'est une ado, elle est complètement zombie, elle ne veut pas voir que je suis malade parce que c'est difficile pour elle. Moi aussi, c'est des petits. C'était difficile pour eux. Tu leur expliques à ce moment-là la situation telle qu'elle est. Alors je dis, j'ai un cancer, j'ai pas caché le mot, même si c'est peur. Bah, après j'ai dit que j'allais me battre, que ça ne voulait pas dire que c'était forcément négatif. J'étais bien soignée, j'étais entourée d'une super équipe médicale, tout ça. Sur l'annonce du cancer, ça a été plus dur pour eux que pour moi, je pense. Moi, le plus dur à gérer, ça a été l'annonce de la vasectomie. Mais la seule solution pour moi, c'est de faire une vasectomie, donc de manger la totalité de la langue. Parce que même si ma langue est saine, la base est trop envahie par le cancer pour pouvoir la sauver. J'ai senti qu'il avait vraiment essayé de trouver la meilleure solution pour moi. J'ai pas de doute là-dessus. Donc du coup, j'ai dit ok, par la suite. Après, entre le moment où on décide de faire la vasectomie et le moment où on s'opère, il y a 7 semaines exactement qui passent. Je m'en souviens parce que moi j'ai compté tous les jours de ces 7 semaines. Enfin, c'était l'année de ma vie, vraiment c'était un coup par rebours. J'ai passé beaucoup de temps avec mes enfants, ma famille elle a été hyper présente pendant ma maladie, là aussi j'ai beaucoup de sens. Ma soeur elle a reconnu justement, on a pu parler de plein de choses. Et donc cette semaine ça passe comme ça, en enfermant de doigts. On se retrouve à la veille de l'opération et franchement la veille, moi je suis hyper sereine. Je pense que finalement je suis la plus sereine, je me suis préparée psychologiquement. Pour moi, le fait que ça se passe pas bien, c'est pas une option. On m'annonce aussi à mon opération pour mon protocole. On m'a prévu prendre 5 séances de radiothérapie. Donc on m'explique, on me parle de faire un masque, je fais un masque, ça va. Mais j'avoue que tout ça pour moi c'est un peu abstrait. Je suis hyper concentrée et focus sur l'opération parce que c'est la première étape pour moi. C'est lourd, ils ont prévu 12 heures d'opération. Donc, avec reconstruction. Voilà, avec un endo, c'est-à-dire qu'on prend un morceau de ma fille, on utilise cette partie-là pour faire une masse dans la bouche pour remplacer la masse de la langue. Donc ce ne sera pas mobile, mais ça me permet d'avoir une masse dans la bouche pour remplacer. La vasectomie se passe bien. Je passe 3 jours en réa et le 4e jour, le RN passe pour la visite quotidienne en fait en réa. Quand je vais à la bouche, moi je ne vois pas parce que je suis dans les apps, mais ma soeur ne m'a pas cité une seconde. Elle est en réanimation H24 à côté de moi. Elle voit de suite qu'il y a un problème à sa tête. Et j'ai parlé à une consoeur, ou à un confrère, je ne sais plus, et eux aiment. Et ils disent, on retourne au bloc, on va prendre une heure et on revient. Et ce jour-là, en fait, ma soeur, je lui avais demandé d'être auprès de mon fils parce que c'est son anniversaire. Il s'est fait 7 ans. Donc elle part pour aller voir mon fils et moi, je pars au bloc. Pendant 12 heures, ils n'ont pas de nouvelles. Un peu stressant. Bah oui, oui, voilà. C'est sûr. Et en fait, j'ai essayé de lui expliquer en résumé pourquoi ça s'est passé en bas. Et elle me coupe, elle me dit, mais attendez, elle est morte ou elle n'est pas morte? Je lui dis, non, elle va bien. mais les procédures vont être décisives. Donc là, je m'explique, en fait, j'essaie une nécrose de mon dos. Je crois que c'est la veine qui n'a pas tenu mon dos dans une mort. Je réalise deux mois après à quel point eux m'avaient aussi sauvé la vie. Je vais essayer de me reposer à mon bout. Ça n'a pas vraiment marché parce que j'ai fait un choix sceptique. Donc, ils m'ont changé tout le sang que j'avais. Ils m'ont fait une transfusion de 6 litres. Quand je retourne en réa, j'ai le fond fait vert. Ça va, c'est très à vis. Et donc, ils m'ont laissé endormir. Et c'est tout le monde. Quand je me réveille le lendemain, je suis sous respirateur. D'accord, ok. Donc, je suis vraiment un peu fatiguée. J'ai pris plein de pilos sur la table, d'eau en fait, là, parce que mes reins n'ont pas fonctionné. Mon corps était fatigué, je pense, de tout ça. J'avais un peu à la hashtag, donc il a dit stop. Je ne peux pas bouger. Je suis hyper consciente de ce qui se passe. La trachéo, ça ne me gêne pas. Et c'est même reposant. C'est une machine de sport à ma place. Mais par contre, ça s'est bougé. J'ai des bains dans le cou. Enfin, des robots, enfin, vraiment. Ouais. Je me sens vraiment enfermée dans mon corps. C'est très étrange. Je vois bien quand tu me parles, je peux comprendre et tout. Mais je peux pas répondre. De cette période, je me souviens surtout de ma soeur. Puis là, à 24, et mon conjoint, je me souviens super sympa avec lui. Donc, merci à toi de m'avoir supporté parce que j'ai pas été fâchée. Je me souviens aussi de mon papa. Tous les jours, il vient me voir, il me tient la main. Il me raconte tout, n'importe quoi. Je me souviens de mon frère aussi, c'est la même voix. Donc vraiment, je suis hyper consolée par ma famille. Un jour, deux jours, voilà. Et en fait, je passe un mois réa. La réa, c'est un univers particulier. C'était nous, mais en même temps, c'est pas nous, c'est déjà. Voilà. C'est vraiment... C'est... Papa temporalité a balancé. Papa ne veut pas, papa poussé, papa levé, papa d'œuf, papa de jour, papa la nuit, tu prends des médicaments, tu fais la peur. Les infirmières, elles prennent soin de toi, ça fait deux ans qu'elles viennent te voir. Donc, papa de rythme, c'est très étrange, c'est vraiment un monde parallèle. Je vois les jours passer, et ce qui était génial pour moi, c'est que je ne vois pas mes enfants. Et à la base, je ne devais pas les voir un maximum pendant 4-5 jours. Et au bout d'un mois, j'en ai rien à chasser. Moi, je vois mes enfants, c'est hyper vieux. Et très honnêtement, je pense pas que ce soit une bonne idée qu'ils viennent me voir parce que je suis méconnaissable. On me déplace en chirurgie, enfin. Je sais, ça m'arrivera jamais. Mais en fait, on a l'impression d'être à nous donner et se pousser à plein de fois. On sait plus manger, on sait plus se laver, on sait plus s'habiller, on sait plus rien faire. On sait plus parler, on sait plus parler, voilà. Je vais en chirurgie, je peux voir mes enfants. Du coup, ça va la changer. J'ai toujours ma sonde nasogastrique. On va me poser une sonde de la sous-tonie de mes os d'estomac. Sous ma mousse, enfin, au bout de ma mousse et demi, je vais pouvoir rentrer chez moi. Alors, étrangement, je suis hyper heureuse de rentrer chez moi parce que on vit d'être avec nos cousins, des enfants, voilà. À côté de ça, hyper peur de citer la douche chez les gens de l'hôpital parce que quand t'es hospitalisé, tu bipes un bouton et un personnel qualifié, et c'est une vraie chance, hein, faut pas l'oublier, qui est là pour te donner un aide si t'as besoin. Et c'est hyper dur, en fait, de rentrer chez moi. Parce que mes enfants, ils sont à l'école. Mon cousin a un travail, tout ça. Et moi, j'ai plus de vie, hein. J'ai plus de travail, j'ai plus de marché. Je sais aller aux toilettes, ça me prend une heure. J'ai beaucoup de mal à trouver un rythme entre ce moment de retour à la maison et le début des réunions qui se font deux, trois semaines après mon retour à la maison. Ah oui, c'est rapide. Ouais, c'est rapide. Alors, dans ce temps-là, j'ai la chance d'être en soins au CRIL. Alors, c'est peut-être au CRIL. Ouais, c'est le centre de rééducation de laryngotomie intensive. Alors, moi, je suis laryngotomisée, mais pas du tout, en fait. Mais j'ai une laryngotomie temporaire. Mais il m'a fallu quand même pour me prendre en soins et me faire de l'orthophonie en intensive avant de libérer nous. Du coup, tu peux parler à ce moment-là? Non, c'est très incompréhensible. J'ai raconté une vidéo à la fois, j'ai fait, et j'ai pas compris ce que j'ai dit. Voilà. Alors, avec ma soeur, ça se passe bien, parce que ma soeur, elle est orthophoniste. Elle a quand même l'oreille à citer pour entendre des personnes qui ont des difficultés de c'est avec mon papa et ma maman, c'était sur mes GDC, mon frère, ça dépend, mon cousin, mais c'est pas mal. Mes enfants, c'est pareil, c'est sur mes GDC. Après, avec ma fille, ça va. Mon fils, il est petit, et lui, il a très peur de moi. Il a beaucoup de mal à se faire à sa nouvelle maman, la nouvelle version, la 2.0. Après, les câlins, ça marche toujours. Pour prendre son bébé dans ses bras, ça marche, pas de soucis. Pendant ces réunions, donc pendant cinq séances, ça fait à peu près 7 semaines, c'est intense. Et on se gêne. J'ai jamais ouvert les yeux pendant que j'étais sur la table. J'avais les yeux fermés. Est-ce que tu as fait par exemple de la sophrologie pour t'aider à t'évader pendant ces séances-là? Je ne sais pas si c'est la sophro, mais effectivement, de moi-même, je fermais les yeux et j'étais à l'heure. Avec les enfants et mon cousin, sur une plage. Je n'étais pas en train de faire une séance de thérapie. Après, ça s'arrête, et là, en fait, c'est horrible. Parce qu'on te dit, c'est super, ça s'est bien passé, les premiers résultats de scanner de fond pôle sont bons, on se revoit dans un mois pour faire un scanner de fond pôle, merci, au revoir, et tout le monde c'est toi, et en fait, toi, ta vie, as a happen. Depuis 5 mois, elles nous font tout pour de ton cancer. Et là, on te dit, bah voilà, c'est fini, mais ça forme chez toi, mais chez moi, bah en fait, tu as rien. Voilà, j'ai plus de palais, j'ai plus de vie. J'ai toujours la sensationnée, je mange pas. Mon fils m'a évoqué le fond de mon parcours que je mangeais plus jamais. Et alors, ça, c'est des notes. Ça, ce n'était pas du tout un végétal. Même pas une chose, je veux bien faire des sensations, mais pas celle de ne plus jamais manger, non. Là, on te dit ça, c'est un peu de la boubou, ça fait de la bêlage. Et d'ailleurs, c'est la seule fois où j'ai pas vu mon femme. Là, je me suis énervée, j'ai envoyé peut-être tout le monde, quoi. Je vais tout parler à un médecin, ma meilleure amie est devenue en urgence pour me voir. Mais comment ça s'est passé après? Parce que du coup, tu avais toujours cette gastrostomie qui restait assez longtemps. Ouais. On t'avait dit, tu ne mangeras plus jamais. Est-ce qu'un jour, tu t'es dit, en fait, ils ont peut-être raison et je mangerai? Jamais. Tu t'es jamais dit, non, ils ont raison là-dessus. Non, c'était pas envisageable. Tu savais que tu enlèverais ta gastrostomie et que tu remangerais. Je ne voulais pas du tout ne pas remanger. C'était pas une notion. Je suis un peu têtu, c'est bien. Et bien, tu vois, la maladie, ça m'a permis ça de savoir parce que je ne m'étais pas rendu compte que j'étais aussi têtu, en fait. Donc, des fois, ça aide pour valider mon passion. Évidemment, je ne mange pas ma main. Je n'ai pas de main. Je ne peux pas me permettre de manger si ça c'est bon que quelqu'un qui a sa langue. Mais j'ai plus de gastrostomie, c'est fini pour moi. Je me nourris par la bouffe. Il y a des textures qui sont plus difficiles pour moi. J'ai besoin d'une posture particulière. C'est très énergisant, mais en fait, au final, mes temps de repas, en général, je les sens décalés par rapport à ma famille parce que je ne peux pas suivre la conversation et manger en même temps, ce ne serait pas possible. J'ai assez une certaine dextérité avec le temps, mais par contre, je n'ai pas perdu le goût. Okay. Donc en fait, ça reste un plaisir pour moi de manger. Et lui, c'est une vraie victoire parce que c'était pas ce qu'on avait prévu forcément pour moi. La personne qui m'avait annoncé ça, on m'en a reparlé. Après, on s'est revus plusieurs fois. Très honnêtement, je pense que je ne serais pas remise à une alimentation par la douche si elle n'avait pas dit ça. Ça m'a tellement mis en colère. Et comment ça s'est passé, cette première bouchée? À quel moment tu t'es dit, aujourd'hui, j'essaye de manger? C'est vraiment le truc en dur que je mets dans la douche. Ah, en dur, c'est quoi? Une chip. Une chips. Ouais. Ma soeur est là et elle me voit, Alors j'essaie, évidemment, parce qu'on ne comprend pas. J'ai mis une chine dans la douche. Et elle, orthophoniste, en plus, elle me mettait ça. Enfin, ça n'a pas du tout. Et donc, en fait, j'essaie ça, même si ça me prend plus de temps que les autres personnes. Et même si c'est très énergivore, le fait de l'avoir ouvert la sonde et d'avoir le goût de se mettre dans la douche, pour moi, j'allais. À ce moment-là, tu faisais de l'orthophonie? Je n'ai pas faisais de l'orthophonie, c'était chez moi pour prendre le relais. Nos amis, la rééducation orthophoniste, ça a été moi et moi, pour le fond. Ouais. Je suis assez autodidacte. J'avais une orthophoniste, mais c'était un an et demi, il y a deux ans après la fin de la radiothérapie. Et au final, j'avais pas de domaine, en fait, parce que moi, j'avais fait mon chemin de mon côté. Elle m'avait par contre beaucoup aidé en termes de massage et de relaxation, parce que la langue, alors j'espère que je n'ai pas bien de bêtises, mais c'est biceps muscles. Moi, je n'ai plus. Je comprends cette absence de muscles avec la joue, le palais et le plancher du hall. Mais c'est des muscles qui sont passés pour être sursollicités. Elle avait été formée par un programme qui s'appelle Osteovos, je crois. Oui. Et donc, en fait, elle m'avait permis de relâcher les muscles profonds du visage et ça m'avait pas mal aidé. Et à quel moment on a dit ça y est, on enlève la gastrostomie? Assez vite, en fait. On a enlevé, je pense, 7 à 10 mois après l'avoir posé. Et les médecins, ils devaient être assez bougés pour le. Je sais pas, mais en tout cas, hyper heureux pour moi. À mon retour, pour le fond, je me suis pas sentie comme une pathologie. Hein. Je me suis sentie comme une personne. Fin 2019, on propose de construire un programme d'éducation thérapeutique à Métropole, dédié aux patients qui passent par un parcours de soins cancer ORL. Déjà, bravo d'intégrer les patients partenaires pour construire un programme de PD, parce que c'est pas forcément le cas partout, et en fait, c'est le meilleur moyen de savoir ce dont les patients ont vraiment besoin. Est-ce que, justement, tu peux expliquer un peu ce que c'est l'éducation thérapeutique du patient? Donc, l'éducation thérapeutique, c'est une posture qui permet de prendre soin de personnes dans sa globalité, pas seulement au niveau de sa pathologie et ses séquelles, mais dans tout ce qui est important pour lui, sa vie professionnelle, personnelle, ses objectifs de vie. Et un programme d'éducation thérapeutique, c'est un programme qui permet, suite à un bilan éducatif partagé, de déterminer les objectifs de la personne. En quoi elle a besoin d'aide, en quoi elle a besoin d'échanger avec des professionnels de santé ou d'autres patients. Et grâce à ce questionnaire, on définit des objectifs ensemble. Ici, le programme, ça permet d'avancer, d'avoir des astuces du quotidien, de mieux connaître son corps après la maladie. Et à la base, ça a été mis en place pour les patients qui vivent avec une maladie chronique. Par exemple, le diabète. Tu connaissais, toi, à ce moment-là, l'éducation thérapeutique? Ouais. Okay. Tu t'es formée sur le tard? Ouais. Sincèrement, je suis allée un peu en me posant beaucoup de questions parce que je ne me sentais pas vraiment légitime de ça à la base. C'est une co-construction. Donc, il y a des chirurgiens, des orthophonistes, des infirmières, des salons, des dentistes. Vraiment, il y a beaucoup de métiers différents, de salons différents. C'est super parce que finalement, ils sont tous complémentaires. Et donc, des patients partenaires se sont invités. Et après, ça se construit sous une année, hein, donc c'est assez long. Au début, si j'ai eu des craintes par rapport à ma légitimité à participer à ça, ça a été hyper parce que mon visite a été super. Je ne me suis pas du tout sentie mise à part. Ok. T'étais la seule patiente ou il y avait d'autres patients? Il y avait deux autres patients, je crois. Mais finalement, ils n'ont pas perduré sur tout un peu pour ce sous. Après, c'est intéressant quand même d'avoir d'autres patients parce que on l'a dit déjà, le parcours de cancer est individuel et unique. Il n'y a pas deux personnes qui ont le même parcours, c'est pas possible. Et donc, plus on a de patients partenaires pour pouvoir avoir leur point de vue. Et moi, par exemple, j'ai des difficultés qu'un autre patient qui a une pathologie ORL placée sur la mâchoire ou le nez ou l'oreille n'aura pas. Et eux ont des difficultés que moi, je n'ai pas. Donc, en fait, pour avoir un vrai panel de toutes ces séquelles possibles et imaginables, il faut parler à plein de personnes de cerveau. À la fin de l'année, le programme était déposé auprès de l'ARS. Mon béton ne peut pas nous passer l'ARS aussi d'amis. Ensuite, il faut savoir qu'un programme d'éducation thérapeutique, c'est évaluer tout au long de sa vie, les outils sont revus en fonction des demandes des patients. Et un patient peut refaire le programme autant de fois qu'il le veut. C'est Happy. Et c'est le médecin qui propose à son patient, voilà, on a un programme de TP, est-ce que vous voulez y participer? Ben en fait, alors au début, on s'était dit que ce serait radiothérapie, parce qu'on avait assez radiothérapie. Ouais. Mais en fait, les chirurgiens peuvent en parler aussi. Parfois, ça se fait le niveau des dentistes. Et puis après, ben, ça peut être en fait n'importe quel professionnel de santé. Est-ce qu'on a le droit de dire de quoi il est constitué ce programme, ouais, d'éducation? Alors, ce programme d'éducation thérapeutique, c'est Happy. Où on aborde en gros la physionomie post-cancerale, les difficultés d'alimentation, les déficiences, les soins, comment réagir, comment prévenir, quels sont les signes qui alertent. Et on aborde aussi l'aspect émotionnel. Ça, c'est l'atelier que j'anime en binôme avec une autre sociologue. Ça s'appelle le sixième sens. Et donc, on parle du rapport à soi, à son corps, et du rapport à l'autre après la maladie. C'est vrai que le cancer ORL, ça a cette particularité de toucher au fondement de ce qui est ma posture sociale. Parler et manger, c'est la base de relations sociales. C'est pas du tout unilatéral, c'est que moi je suis pas animatrice, mais j'apprends plein de choses, ça va. Parler du parfum des personnes, c'est hyper intéressant pour moi aussi. Et puis surtout, moi, j'ai pas eu la possibilité d'avoir un patient partenaire pendant mon parfum de soins. Pouvoir parler à des personnes qui ont eu un parcours similaire au mien, même si pour eux c'est plus récent, ce parcours de maladie. Enfin, je suis hyper reconnaissante de tout ce qu'on peut partager avec moi dans le cadre du programme de TP. Est-ce que le patient il est tout seul ou c'est des ateliers groupés avec plusieurs patients et vous échangez tous ensemble? Ouais, non, c'est un atelier de groupe. Okay. Alors, ça a posé question parce que c'est vrai qu'en processologie, on s'imagine qu'on a parlé de sexe, ça peut être difficile de parler en groupe. En fait, c'est plein de façons de parler de l'intimité à l'autre, hein. C'est pas forcément malaisant. Ouais. Et puis, surtout, l'éducation thérapeutique, c'est un peu partagé avec un soignant et ou un patient partenaire privilégié. On est en dehors du parcours de soins. C'est vraiment une parenthèse, on n'a pas de blues, on est très accessible en tant qu'animateur. Alors moi, évidemment, je suis une personne, donc c'est plutôt facile, mais je parle plutôt de ma co-animatrice, plutôt de soignante. Et c'est de toute façon, elle est super et très accessible, mais bon, là, c'est vraiment un peu à part. Il faut savoir qu'on peut suivre un atelier d'éducation thérapeutique et pas parler. On n'est pas obligé de partager son expérience, on peut juste écouter, on peut juste ne pas aimer, on n'a pas d'obligation quelconque. Voilà, c'est juste une vue à sécuriser, parce que ceci est dit, un atelier reste un atelier. Il n'y a pas de jugement. C'est vrai que moi, je l'ai dit déjà plusieurs fois, je le redis, hein, j'ai été hyper, hyper accompagnée par ma famille, j'ai beaucoup de chance. Pour autant, même si ma famille était très présente, il y a quand même des moments où mon parcours de soins, je me suis sentie seule. Il y a des choses que tu ne peux pas dire à tes proches parce que tu as peur de leur faire de la peine. Il y a une partie émotionnelle quand même à gérer. Je ne sais pas si toi tu l'as ressenti comme oui, ça parfois. Oui, mais... oui. J'avais peur de. Rien que dès l'annonce du cancer, en fait, j'étais ouais. déjà triste de devoir leur annoncer. Que leur sœur ou leur fille avait un cancer. Ma sœur, j'en ai reparlé avec elle, mais longtemps après. Et apparemment, j'ai annoncé que j'avais un cancer par SMS. Ah ouais? Et j'ai trouvé ça horrible. Je m'en faisais un peu. D'ailleurs. Si ça avait été à faire maintenant, je crois que j'aurais pas fait comme ça. Mm-hmm. C'est vrai que quand tu refous un peu tes esprits, après la vague de tsunami qui t'arrive, tout le monde qui prend de ça, c'est assez violent. Mais il y a des trucs que j'ai pas forcément voulu dire à ma famille, à mes proches, à mon cousin. Parce que j'aurais pas voulu être baissante. Et des fois, même si t'es hyper bienveillant, les gens qui disent, bah, t'es relou. Voilà. T'es trop présent. Les gens sont fous, quoi. Même, sauf que tu manges plus de soupe, bah, j'ai plus envie, quoi. La soupe, j'en peux plus. Ah, même, le faire, bah, lâche-moi, quoi. J'ai pas à prendre. Et en fait, ça part d'une bonne intention. Bah, ça, c'est des choses que tu peux pas aller à tes proches. Bah, du coup, quand t'as une patiente, bah, des fois, ça permet un peu de vider la soupape et de dire, bah, c'est bon, j'ai envie qu'on me laisse tranquille, j'ai envie de faire comme je veux, je me sens infantilisée. Moi, c'est l'infantilisation, quand tu peux pas parler et manger, tu peux pas parler, ça me rendait seule. pour nous six, de ne pas pouvoir passer un souci par un désir médical et de devoir faire appel à nos cousins, c'est encore de faire aux obus, ben, ça me ressemble. Comment on fait pour avoir accès à ce genre de programme? Alors, en fait, en France, les programmes d'éducation thérapeutique sont gérés par les ARS. Et les ARS, c'est régional. En fait, tu vas sur la plateforme de Parison, tu recherches le programme qui t'intéresse pour pouvoir contacter la personne qui va te faire passer le bilan éducatif partagé, faire un point avec toi, de la famille. Il n'y a pas de limite dans le temps, après souvent en fonction de l'inclusion des personnes dans le programme dont tu es question. Mais voilà, tu peux refaire plusieurs fois, et tu, ça peut être bénéfique même plusieurs mois, plusieurs années après. J'ai commencé à intervenir dans les ISMS. Donc c'est les hommes de formation pour les infirmières et infirmiers pour faire des exercices de simulation. C'est-à-dire que moi, je me groupe de patientes, un étudiant, je me groupe de soignants. On est simulé et un groupe d'étudiants nous observe. Et après, on a un bébé signe pendant une heure de ce qui s'est passé, de ce qui aurait pu être aidant, de ce qui a peut-être été difficile pour l'étudiant, pour moi. Et c'est vraiment super parce que c'est vrai que quand t'es en stage et que t'es étudiant à CV, t'as pas forcément de backup avec la personne que t'as pris en soin. Et là, ça te permet d'avoir un échange subtil sur comment toi tu l'as vécu. Je me suis investi auprès de l'ISMS, auprès de mon copain. Après ça, j'ai fait de la culture et j'ai essayé de mettre en vente sur Internet mes produits. Alors ça, c'était sympa, mais je ne suis pas bonne commerciale. Je ne sais pas, du tout, les réseaux, tout ça, c'est pas pour ma génération. Je me suis un peu perdue. Et puis le partenariat en santé, ça a pris de plus en plus de place. J'ai rencontré le HOPS, alors je ne peux pas bien le dire, mais c'est le centre opérationnel du partenariat en santé de Citanie. Pareil, c'est hyper dynamique, des femmes super, hyper motivées pour mettre en valeur la relation partenariale. Et mon chirurgien me dit un jour, ah mais moi, je connais une super association avec une femme géniale, Sabine Alba, tu vas voir, vous allez bien vous entendre, elle est vraiment hyper dynamique. Moi, je t'avoue que les associations, je ne connais pas cette univers. De nature, je suis hyper sauvage. C'est très ouf en fait. Le rationnel et ses autres, pour moi, c'est très énergivore. J'aime bien dans ma bulle. Ouais. Moi, ça m'a... je me sens jamais seule. Je m'ennuie jamais. Je peux rester seule pendant un jour, ça va pas me. Tu vois, voilà. De ça, ça me permet de me ressourcer. J'avais jamais avant dans ma vie personnelle eu envie, j'ai besoin de faire partie d'une asso. Voilà. Me parle de cette association, je me dis, pourquoi pas, ça arrivait à un moment par contre où je me sentais prête à me faire aux autres. Et donc, il me donne son adresse mail, et je rentre chez moi, je viens de mon genre, mon fils, il m'a parlé d'une association, Farasso, c'est dans le site est super bien fait. Je vois plein de témoignages, je pleure, là, parce que c'est hyper puissant. Et je me dis, là, mais ça, vraiment, j'étais passée à côté. Hein. Et puis, je me décide d'envoyer un message à Sabrina. J'avais lu son parcours sur le site de Farasso. J'étais hyper impressionnée, enfin, j'étais là, bah, mais pff, c'est moi, alors, voilà. Ouais. Et en fait, je lui ai fait un mail, elle me répond, et cette personne est hyper, elle est rayonnante, mais dans le mail, déjà, elle est rayonnante, hein. Hyper accessible, trop sympa, on échange un peu par mail, je me sens tout de suite bien, tu vois, à l'aise. Et moi, je devais aller à Paris, quelques semaines après, elle aussi, j'ai dit, bah, c'est super, on pourra se voir en vrai. Ben, en fait, ça m'a fait tout fonctionner, ma première impression par échange de mail, elle est formidable. J'avais l'impression d'avoir trouvé une vue qui nous va bien. Moi, je suis un peu ours sauvage. Oui. D'ailleurs, ça a énormément rire mon cousin et ma famille. Quand j'ai dit, j'enregistre un peu hache à la maison en août, et mon cousin m'a dit, toi, t'as proposé, c'est une grande famille. Ça m'a permis. Donc, on fait plein de personnes avec des parfums hyper différents, tous aussi intéressants les uns que les autres. En plus, la soupe, pour moi, ça fait pas tellement de temps. Ça fait 7-8 mois que je suis adhérente. C'est vrai. Et en fait, on ressentit, ça fait 20 ans. Ouais. Est-ce qu'il n'existerait pas quelque chose qui nous permette de se tourner vers la pérédance et devenir patient partenaire? Alors, effectivement, j'ai la chance d'avoir pu travailler ces dernières semaines, voire moi maintenant, avec Virginie, sur une formation de paracompagnement pour les bénévoles de Corasso, si ce sont des nécessités. Et donc, l'idée, ce serait de permettre aux personnes qui le souhaitent, il n'y a pas d'obligation, de suivre une formation déjà pour faire un point sur son parcours, savoir si on a vraiment envie de faire ça ou pas. Et donc, en plus de faire un point sur son propre parcours, ça permettrait de poser des bases solides pour être un accompagnant serein, qui sait pratiquer des techniques de base comme la reformulation. C'est un vrai travail, mais ça va, très honnêtement, je mesure la chance de pouvoir faire ça avec Virginie, parce que Virginie, vous la connaissez déjà, elle est juste merveilleuse, quoi. Enfin, bah, elle a une somme de savoir pratique émotionnel, voilà, enfin, sans fin. À chaque fois qu'on échange, j'apprends des choses. La formation, elle va te permettre de savoir où est-ce que tu seras plus à l'aise. Parce qu'on force personne à rien. Ouais. C'est pas parce que tu fais le premier module que tu vas faire le deuxième ou le troisième. T'as pas de fatiguer, t'as pas de faire une pause. Et donc, ça voudrait dire que la personne qui suit cette formation, ouais, ensuite, elle aura les capacités où elle sera en mesure de pouvoir accompagner d'autres patients dans sa structure de soins. Comment on met en relation, en fait, un patient partenaire et un patient en cours de parcours? Ça, c'est propre aux structures de soins de travailler avec des patients partenaires. Corasso, on peut être pérennant en dehors de structures de soins. D'accord. Pas forcément pérennant dans un hôpital. Il y a des points de rencontre, comme par exemple Caroline et oui, Virginie aussi. Elles ont des points de rencontre comme ça, Corasso partageant des rendez-vous avec les patients et leurs aidants. Nous, elles sont clairement de la pérennance. C'est un point de rencontre où on peut partager avec les patients et leurs familles. D'accord. Répondre à leurs questions. Donc ça peut être, par exemple, un patient qui vient toquer à la porte de Corasso et ouais, qui dit j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un qui vit la même chose. Et bah, du coup, les patients qui auront été formés avec cette formation que vous êtes en train de créer, ouais, on pourra rediriger l'un avec l'autre, du coup. Un peu pérennant, ça ne s'invente pas. C'est une posture bien particulière. Ça peut être difficile de raconter ton parcours à une personne qui aura des secrets différents des tiennes. Et pourtant, ce n'est pas parce que tu n'as pas le même parcours de cette personne que tu ne peux pas être pérennante. Parce que, ne serait-ce qu'en termes de légitimisation des émotions, bah, la pérennance, c'est super. Moi, j'ai ressenti ce truc de légitimité où je me sentais pas légitime parce que j'ai eu que de la chirurgie, j'ai pas fait de la chimio et de la radiothérapie. Et du coup, toutes ces séquelles-là qui sont liées à ces traitements-là, je les ai pas vécues. Ouais. Et quand je suis arrivée à Corasso, alors dans un premier temps, c'était pour moi, j'avais besoin de me sentir moins seule et de rassurer, enfin d'être rassurée. Mais à mon tour, je voulais aussi un peu accompagner, mais je me disais, oui, mais en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir pas rien vécu, mais d'avoir vécu pas grand-chose comparé à des patients qui ont des parcours, mais fou, quoi. Après, tu sais, finalement, c'est beaucoup de vécu. Ouais, oui, c'est ça. T'as pas beaucoup à parler. Ouais. La personne, elle a besoin de partager. Être une oreille attentive, quoi. Je sais que moi, je suis une nature assez positive dans la vie. Je suis pas trop une défaitiste. J'avais déjà vécu des épreuves de vie avant d'avoir un cancer. Pas du même ordre, mais bon, voilà. Des périodes un peu compliquées à passer. Quand on m'a dit, là, on va vous enlever la langue, je me suis dit, non, cette fois, par contre, il n'y aura pas de retour en arrière possible. On va enlever une partie de mon corps, ce sera fini pour toujours. Et c'est la première fois que j'étais face à quelque chose qui me semblait définitif. Mais ce que je pensais être définitif, finalement, ne l'est pas. Longtemps, j'ai comparé mes capacités d'aujourd'hui à celles que j'avais avant. Et forcément, c'était différent, donc ça ne me plaisait pas. Et en fait, le jour où j'ai accepté que j'avais certes des incapacités aujourd'hui physiques, qui duraient toute la vie, mais j'avais aussi des capacités que je n'avais pas avant. Parce que, ben avant, je ne me connaissais pas. Je passais à côté de plein de réalités. Je n'avais pas du tout confiance en moi. Alors, je parlais encore dessus, mais Même, je me dis que vraiment, ma vie un peu terrible. J'arrive à me sortir quand même, donc ça m'a fait un peu sur la suite. J'étais terriblement anxieuse et je suis quand même moins parce que j'ai confiance en ma capacité à rebondir. J'avais pas conscience de certaines choses avant et ça m'a permis de prendre conscience avec la maladie. La préférence, moi, maintenant, c'est une période où je ne m'attendais pas, mais c'est un nouveau combat. On peut parler de traitement de fond. Et tu vois, à la fin de la séance, c'est fini, mais pas du tout. Pas du tout. C'est là où tout commence. Mais complètement. Merci beaucoup, merci beaucoup Nathalie pour cet échange hyper riche. Merci à toi, je trouve que c'est super de faire ce podcast, vraiment de donner la rotation, la chère formation. Ouais, très bientôt. À bientôt, oui. À la télé. Merci d'avoir écouté cet épisode de Coup de tête, le podcast des patients touchés par un cancer tête et cou, créé par l'association Corasso. Pour retrouver plus d'informations sur ces cancers et sur l'association, rendez-vous sur www.corasso.org. À bientôt!